choisi de renoncer aux études qui me poursuivaient, avoir choisi d'abandonner les jolies filles qui m'étouffaient. N'écoute plus tous ces gens-là qui te conseillent n'importe quoi. Écoute ton cœur, écoute ta voix, laisse le bonheur venir à toi. Le chemin du droit n'est plus pour demain, je préfère suivre un autre chemin. Le chemin du droit n'est plus pour demain, il a bien failli conduire à ma fin. Avoir choisi de résister aux bons conseils qu'on me donnait, avoir choisi de m'opposer à tous ces gens qui me guidaient. Va où tes rêves te donnent rendez-vous, travaille sans trêve, va jusqu'au bout, suis ta musique, ton inspiration, la mécanique de ta passion. Le chemin du droit n'est plus pour demain, je préfère suivre un autre chemin. Le chemin du droit n'est plus pour demain, il a bien failli conduire à ma fin. Le chemin du droit n'est plus pour demain, je préfère suivre un autre destin. Le chemin du droit n'est plus pour demain, je préfère suivre.